même pas je te connais. J'étais le sang qui se roule, mais tu m'as plus téléphoné. Je connais le manque d'amour, le manque des sites, le manque de monnaie. Oh mon ami, je te laisse tranquille, c'est pas déconner. Joue pas, fais pas le mien. Je crois que j'ai autre chose à faire. Qui veut me mettre dans leur travers? Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être me voir à terre. S'ils peuvent, viennent aller se faire. Je crois que j'ai autre chose à faire. Fais pas le mien.